femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes. J'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes. Si je dis ça, c'est pas pour les mettre dans mon lit, c'est pour qu'enfin elles y raillent. C'est pour qu'enfin elles y raillent. J'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes. Avec le bonheur, avec le repos. J'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes.